Et c'était bien Ben. Ouais, je faisais n'importe quoi. J'improvisais. Oui, j'improvisais. Que bon, qu'importe nos chansons. Da da da da na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Tu connais pas ça? Petit Papa Noël, quand tu descends. J'ai eu mon époque bassiste punk. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Tu connais pas ça? Je sais plus comment jouer. Petit Papa Noël. À une prochaine. Pourquoi la batterie ne marche plus? Putain, il y a un problème de batterie là. Allez, vas-y mon gars, vas-y, lâche-toi. Lâche les watts. Allez, come on. De la verre. Ah, ok. Thank you. C'est bien, mon gars. Merde, on m'entend plus là? West to the chair from my. Son of mine, tu as encore changé de chanson et j'étais perdu. Pourquoi t'as changé ta chanson? Pourquoi? Jouer avec les doigts. Il y en a des guitaristes. Salut l'Italien. Est-ce que tu peux te caler? Est-ce que tu peux te caler sur le tempo? On fait 65 alors. Yeah, I can say within our eyes. Tempo qui change, ouais, parce que. Mais t'as une batterie, quelqu'un a une batterie? Within our eyes. Attends, on va voir, je vais mettre un. Je vais essayer de mettre. faut se caler sur la mesure 1. Bam. Start to measure 1. On a qu'à faire en... qui joue la guitare là, qui fait les cordes là, c'est qui, c'est vas-y Argentine. I follow Argentina, I'll follow Elefante, I'll follow you Elefante, ok? Attends. Ah merde, excuse-moi, je fais une autre note. Ok. Sorry. I follow Argentina. I follow you, don't stop. non, non, non. Je suis perdu dans ce que tu joues, je suis perdu. Éléphant de loco. Thank you.